Les bitomanes, ils se transmutent et puis fracassent tous les méchants. Se battent et luttent pour la liberté, la liberté. Combattre les méchants sans jamais se décourager, décourager. Nous on leur fait confiance pour nous sortir du pétrin, sortir du pétrin. De face on n'a pas le choix, c'est les seuls qu'on a sous la main. Les bitomanes, les bitomanes, ils se transmutent et puis fracassent tous les méchants. Transmutation éclair en moins d'une demi-seconde. Demi-seconde. Les bitomanes sont toujours prêts pour sauver le monde. Courage guerrier avec le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Tous avec pour de meilleurs lendemains. Les bitomanes.